Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer ce matin notre étude sur l'Épître aux Corinthiens, et nous sommes au chapitre 3. Notre bon Père du ciel, nous voulons que tu puisses, encore ce matin, que tu puisses nous guider par ton Esprit Saint. C'est ta parole. C'est pour ça qu'on se tourne vers toi. Pour n'importe quel autre écrit, on se tourne vers les auteurs de ces écrits pour mieux comprendre. Donc, nous croyons que ta Bible est ta parole. Donc, on se tourne vers toi. Afin que tu nous instruises encore une fois du grand privilège que nous avons de vivre dans ton royaume. Nous avons vu, depuis le début, dans deux chapitres de fait, Paul a écrit une lettre, la première épître aux Corinthiens. Il ne faut jamais oublier ça. Ça vient après, et la raison d'être, c'est 1 Corinthiens. Paul avait écrit une lettre suite aux nouvelles qu'il avait eues de la part de chrétiens à ce qui se passait dans l'église de Corinthe, le trouble et les doctrines qui étaient bafouées, la moralité qui était décadente. Donc, il écrit. Et la lettre qu'on écrit, même nous, des milliers d'années après, quand on veut citer une église qui ne fonctionnait pas, une église qui était dans le bordel, comme on dit des fois, on va citer la première épître aux Corinthiens, ça faisait Dieu. Donc, Paul écrit. Et si on n'avait pas des explications de son cœur à lui, de ses raisons à lui, on pourrait faire comme les faux apôtres et de dire, Paul est bien sévère, il est critique, il est exigeant. Mais on a vu que Paul, dans le chapitre 2, a expliqué les raisons de son absence auprès d'eux et les raisons de sa lettre. Il dévoile son cœur, ses pensées qui ont conduit à écrire cette lettre. On a vu ça ensemble. Aujourd'hui, il va se tourner vers une explication plus logique, plus intellectuelle, je pourrais dire, du bien fondé de ce qu'il a amené. Il veut le convaincre que ce qu'il a apporté est mieux, est vérité, en comparaison avec le mensonge des autres faux apôtres. Lisons ensemble, à partir du chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il y avait une pratique courante dans ce temps-là qu'on appelait une lettre de recommandation. Ça se fait encore aujourd'hui. On veut aller faire une application. On veut demander un emploi quelque part. On va emmener avec nous une lettre de recommandation de notre ancien employeur qui, nous croyons, va nous aider à avoir le travail que nous voulons. va parler en bien de nous. Si la lettre de recommandation ne parle pas en bien de nous, on a tendance à la disqualifier. On a un exemple de ça dans Acte 18, verset 27. Quand Apollos veut aller à Corinthe, et on va lui donner une lettre afin que les frères le reçoivent bien. Une lettre de recommandation des frères qui vont aider l'Église de Corinthe à bien recevoir Apollos. On a un autre exemple de cela dans 1 Corinthiens 16, verset 33, où on envoie avec ceux qui collectent l'offrande, ceux qui ramassent les dons, une lettre de recommandation de la part des églises. Donc, ça avait probablement des sceaux qui accompagnaient cela pour démontrer que ça venait de certaines personnes. Donc, Paul dit ici, dans son écrit, au verset 1, « Avons-nous besoin d'une lettre de recommandation auprès de vous, comme quelques-uns auraient besoin? » Est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation auprès de vous, afin que vous nous croyiez, afin que vous voyiez notre autorité, notre sincérité? Et il dit non, on n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. Il dit au verset 2, vous êtes notre lettre de recommandation. C'est vous notre lettre de recommandation. Écrite dans nos cœurs. Connu, élu de tous les hommes. Donc, vous êtes notre lettre de recommandation. Cette lettre-là, on l'a écrite dans notre cœur. Et tout le monde peut voir, tous les hommes peuvent savoir que vous êtes notre lettre de recommandation. Vous êtes une lettre. Notre lettre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, nous n'avons pas besoin d'avoir une lettre de recommandation de la part de quelques-uns auprès de vous. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de l'Église de Jérusalem, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui me donneraient une lettre pour vous donner afin d'être accepté par vous. Vous êtes notre lettre de recommandation. Qui nous a donné cette lettre de recommandation-là? Une Église quelconque? Non, dit-il. Il dit au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » C'est Christ qui a donné cette lettre de recommandation. Christ a donné à Paul une lettre de recommandation. Comment? Il dit, « Ce n'est pas une lettre que j'ai amenée écrite avec de l'encre. Mais je suis venu auprès de vous avec l'Esprit du Dieu vivant. » Donc, il dit, j'ai été approuvé, j'ai ma recommandation de la part de Dieu auprès de vous, de la part de Christ auprès de vous. Il va dire ailleurs qu'il a démontré qu'il était envoyé de Dieu par les miracles, par les signes qu'il a accompli au milieu d'eux autres, par les guérisons qu'il a faites. Il dit, vous avez pu voir que Dieu m'accompagnait. Vous avez vu que Christ était avec moi, parce que l'Esprit de Dieu était avec moi pour faire les miracles. Est-ce que ces hommes-là, ces faux apôtres-là, le Saint-Esprit les accompagne de cette façon-là? Est-ce que ces hommes-là, le Saint-Esprit travaille avec eux dans leur ministère et l'Esprit de Dieu, par son ministère, a changé vos vies? Parce qu'il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Le changement qui a eu lieu dans votre vie, la nouvelle naissance qui a eu lieu en vous, Cette régénération-là qui a eu lieu en vous, ce fait que vous êtes maintenant membre du peuple de Dieu, que vous avez reçu des dons, que vous avez reçu des manifestations du demeure de Dieu en moi. Parce qu'il a dit dans le premier lettre de Corinthiens, il dit, vous avez tous les dons de vision, de langue, de miracle. Vous avez reçu des dons de la part du Saint-Esprit. Vous avez reçu, vous avez vécu l'œuvre de l'Esprit en vous. Vous m'avez vu faire. Vous avez vu que l'Esprit de Dieu était avec moi. Et vous avez vu l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous. Donc, c'est vous notre lettre de recommandation. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, à vous offrir? La loi? L'Ancien Testament? On va y revenir demain, là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont vous offrir, eux? Ont-ils fait les miracles? Ont-ils fait les signes? À leur parole, à leur enseignement, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été pardonné de vos péchés? Avez-vous vu les miracles de Dieu? Avez-vous reçu des dons de Dieu par leur ministère? Non, hein? Donc, vous êtes notre lettre de recommandation. Christ nous a donné une lettre de recommandation auprès de vous. Dieu a approuvé notre ministère auprès de vous. Au verset 4, il dit, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » Donc, il dit, « L'assurance que nous avons pour vous parler, pour vous instruire, pour vous diriger, pour vous recommander, pour vous exhorter, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. » C'est lui qui nous a donné l'autorité. C'est pour ça qu'il a commencé sa lettre en disant « Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » J'ai reçu le droit, le privilège, le ministère auprès de vous, de la part de Christ, de la part de Dieu. Il dit, vous êtes, vous, une lettre manifeste, une lettre de Christ. Il dit, quand je vous regarde, je sais que Christ a vécu, vit en vous, a agi en vous, par son esprit. Par son esprit. Les changements que j'ai vus en vous ne peuvent pas venir de la loi ou d'un homme. Il dit au verset 5, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il dit, ce que l'homme ne peut pas faire ça, ce que nous, on pourrait vous amener en tant qu'humain, on ne pourrait pas accomplir ça. On ne pourrait pas faire ça dans vos vies. Il dit, la capacité, il dit à la fin du verset 5, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce que nous avons accompli en vous, chez vous, par notre ministère, ça ne peut pas faire autrement que de venir de Dieu. Parce qu'on n'est pas capable, nous, de produire en vous, ces changements-là. On n'est pas capable, nous, de faire des visions, des miracles. On n'est pas capable de vous donner le Saint-Esprit qui s'est manifesté par des dons, par la parole en langue, par les miracles, par les signes, par les guérisons. On n'est pas capable, nous. Donc, Jésus a manifesté qu'il venait de Dieu à cause des miracles qu'il a faits. Les apôtres ont manifesté qu'ils venaient de Dieu à cause des miracles qu'ils ont faits. Et Paul dit, moi aussi, c'est la même chose. Donc, ces faux apôtres-là, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ont-ils seulement que des lettres de recommandation humaines? Nous, on a une lettre de recommandation divine. Elle vient de Dieu. Frère et sœur, quand on est troublé par certaines doctrines, par certains individus, il faut toujours retourner à la base. Toujours retourner à la base. À les Écritures. Retournez vers ce qui vous a amené à faire partie du peuple de Dieu. Retournez vers ce qui vous a amené à être des enfants de Dieu, à être des récipiendaires de l'Esprit de Dieu, de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de la vie éternelle qui vient de Dieu. Retournons à la base. Peu importe ce que les hommes vont nous dire ou vont nous encourager à faire ou à ne pas faire, ça ne doit jamais venir en contradiction avec la base que nous avons, qui est notre salut en Jésus-Christ, qui est la personne de Dieu lui-même, qui est la personne de Christ elle-même. Merci notre Père du ciel d'avoir démontré que ces hommes qui nous ont amené les Écritures, les apôtres, Paul, tu leur as donné d'accomplir des choses pour nous convaincre, pour nous donner la certitude qu'ils venaient de ta part. Et qu'est-ce que qu'ils nous ont transmis venait de toi. Tu as appuyé leur ministère par l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie et dans la vie de ceux à qui ils ont prêché. Au nom de Jésus, nous te prions.